nombreux artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Korigane vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Vous êtes en direct de la Korigane. Bonjour, Jessie Caleb avec vous. On est en 380 rue Dorchester pour sortie culturelle à la Korigane. 2 heures d'actualité culturelle ici au plus près des artistes qui sont en entrevue et en prestation pour l'occasion. Alors vous êtes les bienvenus. On a besoin de public pour apprécier toutes ces belles prestations qu'on vous réserve dans l'émission. Aujourd'hui, je reviendrai aussi évidemment sur le spectacle de Sir Paul McCartney qui était hier soir au Centre Vidéotron. Tout un spectacle, il a joué pendant près de 3 heures du haut de ses 76 ans. J'ai très très hâte de revenir sur ce spectacle en détail qui évidemment a été un succès à Québec, rappelons-le, coup d'envoi d'une tournée mondiale. Également, on découvrira Rhizome, littérature vivante, organisme à Québec qui nous propose tout un tas d'expériences, notamment la tournée Vocalité vivante qui se transforme en documentaire en fin de semaine. Les samedis 21 et dimanche 22 septembre, Place du Ville et Musée national des Beaux-Arts du Québec, dans le cadre du Festival de cinéma de la ville de Québec toujours. C'est une traversée du Canada qu'on nous propose avec des poètes de la du Canada francophone. Également, Manny Junior and the Cyclones lance un tout nouvel album. On les connaît pour leurs influences rockabilly. Ils proposent même des chansons en français. Alors, on découvrira cet album Hot Bop. Laura Lefebvre reviendra sur son été tout à fait survolté, il faut le dire, pour des tournées musicales un peu partout au Québec, et également la finale du Festival international de la chanson de Granby. Elle reviendra sur cette aventure. Également, chronique bière de la Korigane avec Frédéric Boudreau qui nous présentera aujourd'hui la Brasserie Générale. Mais si vous connaissez déjà, pas de trouble, on va juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout vous parler de sa bière coup de cœur qui respire encore l'été. Et puis on finira l'émission avec Mathieu Dipendel, un Français qui est de passage à Québec et qui donnera un spectacle tout en ukulélé ce jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Dans quelques instants, on aura aussi la troupe Flamenco Si qui démarre sa session flamenco. Si vous êtes toujours intéressé à cette danse espagnole, ça va être l'occasion de découvrir cette danse ici à la Korigane. On part en musique juste avant le temps que les danseurs s'installe. On va écouter un artiste qui sort un album très bientôt. Voici Anatole avec Elle est, tu es des nôtres. Anatole, elle est tuée des nôtres. Anatole qui sortira un album tout prochainement, le 21 septembre, à guetter. C'est bien le 21 septembre, ou le 28, Jacques Boivin, fais-moi signe. C'est le 21 ou le 28, Anatole, la sortie de l'album ? La sortie de l'album, c'est le 28. Le 28, mon recherchiste est là, c'est merveilleux. Merci Jacques Boivin. On va guetter ça, évidemment, artiste de Québec qui promet encore tout un lancement. On parle de flamenco maintenant à Québec. De belles troupes, franchement, qui sont présentes pour nous faire revivre l'ambiance de cette danse espagnole à Québec, même quand il fait froid. C'est le cas de Flamencosi, école et troupe fondée par Julie Perrault à Québec, qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour. La session a démarré hier et tu es d'ailleurs avec deux de tes danseuses, Annie Veillette. Bonjour Annie. Bonjour. Et Louise Lahaye également, qui suit des cours avec toi. Bonjour Louise. Bonjour. Alors vous êtes toutes les trois là parce qu'on va pouvoir vous apprécier ici en prestation dans quelques minutes à la Korrigan. Venez nous rejoindre, 380 rue Dorchester. Julie, pour commencer, le flamenco à Québec, c'est moi où ça prend quand même de l'ampleur de plus en plus? Oui, il y a des vagues, il y a des... c'est ça, mais oui, je dirais qu'il y a une vague de popularité. Mais c'est ça, ça va, ça vient, ça dépend de... Quand il y a des spectacles, on dirait que les gens ils ont un engouement. Puis là, tout à coup, on voit plus d'inscriptions dans les classes, effectivement. Ouais. Le flamenco, évidemment, ça se vit en cours, mais ça se vit aussi dans les bars. En Espagne, il y a toute une partie de sortie. Hein, c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission Sortie culturelle, puisque les gens sortent pour voir, entendre, sentir le flamenco. Vivre parce que le flamenco. C'est ça, c'est une expérience aussi avec le guitariste, le chanteur, la danseuse sur scène. C'est souvent le portrait qu'on en a. Lors des tablaos. Oui, en Espagne, beaucoup. Ici, on a moins parce qu'on n'a pas tous les ingrédients du flamenco, le chant, il faut aller chercher. S'il y en a qui ont envie de vivre cette expérience-là, ou s'il y a des chanteurs à Québec, manifestez-vous. Pour chanter en espagnol. Oui, exactement. Mais ça me fait penser, justement, pendant que j'y pense, il y a un spectacle de flamenco. J'ai appris ça hier à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, dimanche à 18h. À la librairie. À la librairie, pardon. Ouais, ouais, oui, oui. C'est ce dimanche flamenquiné, c'est avec chanteuse, guitariste et danse, oui, justement. Je crois qu'il y a deux danseuses. Ouais. Et pour vivre l'intimité de la danse, ça va être vraiment intéressant. Exact. Toi, Julie, t'as vécu en Espagne, il me semble, pour apprendre le flamenco? J'ai pas vécu, mais je suis allée... plusieurs fois? Oui, je suis allée plusieurs fois, puis, mais j'ai beaucoup appris ici quand même, oui, au Québec, à Montréal. Puis les Espagnols viennent l'été nous donner des stages, donc tout ce qui passe, bon, quand je peux, j'y vais, c'est certain. Sinon, là-bas, à Séville, je suis allée à Madrid aussi, dans l'Andalousie. Mm-hmm. Et puis, un mois, une autre fois, un autre mois. Mais c'est ces stages-là, ouais, qui font partie de l'enrichissement et de la formation. Oui, d'être là-bas, puis de le vivre vraiment, là, puis d'aller voir les tablas, les spectacles, c'est très enrichissant, oui. Toi, Julie, dans tes cours, alors, parce qu'on a l'impression, bah, c'est quand même une danse qui respire l'émotion. J'aime toujours dire, on ne peut, ouais, pas voir une danseuse au visage tout à fait concentré. Il y a vraiment une émotion qui passe. On a l'impression qu'il faut vraiment comprendre les paroles pour l'interpréter. Qu'est-ce que tu apprends dans les cours de débutants? Ça commence par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses, les pieds, oui, les mains, percussions corporelles. Puis on essaie de se réinventer aussi parce que... C'est toujours un apprentissage, puis de différentes façons, je dirais. Comme c'est très technique, le flamenco, donc on ne peut pas tout voir dans une première session. Mm. Mais si on veut justement avoir le feeling de danser, il faut... moi, j'y vais avec des choses simples pour que les gens aient l'impression, mais pas juste l'impression, mais de le faire vraiment, de vivre cette émotion-là dans cette danse qui peut être très technique. Donc, tranquillement, on apprend les pas, les zapateados, le haut du corps, le mouvement des mains séparément. Puis, tranquillement, on met ça tout ensemble pour arriver à exprimer les émotions qui... ouais. Les jeux de pieds pour zapateados, oui, que les tu jeux as mentionné. Ouais, Louise, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du flamenco? J'en avais déjà fait il y a plusieurs années et... j'ai voulu revenir il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais vu des affiches de Julie là, donner des cours de flamenco. Bon, bref, puis je suis revenue. Ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est la musique, mais aussi le mélange de technique et aussi de légèreté avec les bras qui sont vraiment plus légers que les pieds. Et toute l'amalgame de ça, moi, ça me parle. Puis évidemment, c'est toujours le petit défi en arrière de tout coordonner, tout ça en même temps. Ça reste la danse, qui est du travail, oui, oui, qui est du travail. Donc ça m'a attiré beaucoup, puis je continue, puis il y a toujours des choses à apprendre continuellement. Ça fait combien de temps maintenant, Louise? Là, ça va faire 10 ans. 10 ans déjà? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça, Julie, je vous ai croisée récemment dans une conférence de presse du Mondo Carnaval. Il fallait illustrer l'ambiance de ce carnaval multiculturel et on vous avait invité à faire la démonstration. Louise était là. Donc toi aussi, très vite, tu incorpores tes élèves dans des présentations, là, ce soir à la Corrigan aussi. Oui. L'idée, c'est de sortir de la salle de classe également. Oui, oui, oui. Puis donner la chance aux danseuses de pouvoir exprimer les émotions justement devant le public. Mm-hmm. Donc même Louise aussi elle va faire ses débuts dans l'enseignement cette session-ci. Là. On en est rendu là. Oui, oui, oui, on va essayer. Annie Veillette, toi, tu viens du gumboot au départ, oui, qui est une danse percussive aussi. Et je sais, pour te suivre un peu sur Facebook, que ça t'intriguait beaucoup de faire du flamenco pour ce point commun-là d'ailleurs. Oui, dans le fond, c'est l'aspect percussif qui m'a attirée au flamenco, mais il y a quelques années, j'avais vu un spectacle au Grand Théâtre, puis de voir toute la palette des émotions qui pouvaient être exprimées, parce que dans une autre vie, je fais de la marionnette aussi. Ah oui? Je cherchais ça aussi au gumboot, c'est très groundé, c'est africain, donc on est vraiment vers le sol, mais là, c'est autre chose avec le flamenco que je peux aller chercher comme gamme d'émotions à exprimer, puis ça me fait du bien aussi de sortir de mes bottes de pluie. Oui, parce que les souliers ne sont pas tout à fait les mêmes, là. Et non, avec le talon, effectivement. Alors, Julie, la session a commencé hier, mais il, oui, est encore temps de s'inscrire au flamenco? Oui, oui, cette session-ci, j'offre 3 classes découvertes, entre autres pour les nouvelles recrues, donc celles et ceux qui... Parce que je dis ceux, les hommes sont bienvenus. Mm-hmm. Je pense que j'ai un homme dans chaque groupe cette session-ci, c'est merveilleux. Wow. Débutant. Donc, intermédiaire avancé, c'est ça pour les groupes? Oui, les groupes, les 3 groupes, je parle flamenco découverte initiation qui se trouve être le lundi, ensuite il y a une possibilité le jeudi soir et le vendredi midi. Puis sinon, il y a tous les autres niveaux, débutant initié, élémentaire, intermédiaire 1, intermédiaire 2, avancé. Donc, belle possibilité la d'évolution. Aussi, ouais. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir et avoir une discipline à long terme. Mais ça peut être à court terme aussi. Est-ce qu'on dépense beaucoup de calories au flamenco pour les gens qui se posent la question? Oui, ben, on peut, oui. Ça dépend de l'intensité. C'est comme des build-up qu'on fait en flamenco. Il y a des parties plus relaxes. Tout à coup, on y va avec un jeu de pied qui va nous faire... Les danseuses acquiescent à côté, oui. Ça sent les heures du sueur dans le studio. Ouais. Mais en plus de ça, bon, il y a quand même des classes d'essai que tu offres encore, Julie, ouais. Dont une ce jeudi, d'ailleurs. Oui, jeudi, 20h, au studio aussi. Donc, c'est au 70 rue... voyons, je viens de déménager. La Pointe-aux-Lièvres. Oui, Pointe-aux-Lièvres, exactement, ouais. Dans Limoilou. Et vendredi, c'est possible aussi de venir essayer. Donc, vendredi midi, encore la possibilité de venir faire la classe d'essai. Puis même si la session est commencée, il y a toujours moyen, là, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours qui ont été donnés, on peut se joindre à un des groupes selon le début. L'horaire. Ouais. Mm-hmm. Et les flamenco midi aussi, il en reste quelques-uns, si vous voulez, aller à la Pointe-aux-Lièvres, toujours dans le studio de Julie Perrault, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi, ce sont vraiment les dernières séances cette semaine pour l'essayer également. Alors on a envie de vous entendre, pour tous ceux qui ne sont pas là ici à la Korigane, bah, vous allez quand même entendre ces fameuses percussions corporelles qu'on entend en flamenco. Les filles, je vous laisse vous installer. Donc, je rappelle, c'est la troupe Flamenco aussi qui est ici à la Korigane. Venez nous rejoindre, 380 rue Dorchester. On est là jusqu'à 19h30. Des prix de présence pour le public ici à la Korigane. Il y a des albums, il y a des paires de billets pour différents événements. On a également des t-shirts de Flamenco aussi, si vous voulez porter les couleurs du Flamenco, peut-être à défaut de le danser. Ça peut commencer par là aussi. Je rappelle, une page Facebook également pour Flamenco aussi. Julie Perrault, Perrault 2R, E-A-U-L-T, si vous voulez la suivre sur Facebook. Je précise le tout, c'est bien important. Alors voici pour vous, cher public d'Akorigan, les danseuses de flamenco aussi. Et à la maison, bah, vous allez écouter de la douce musique de flamenco, que douce et pas mal énergique. Je vous indique l'artiste qui va jouer, c'est Niña Pastorilla, Amores y Besos. Te echo de menos. sueño, el sol de oro fundido, la luna de caramelo. La luna de caramelo. El cuento de Adán, el más bonito que un sueño, el sol de oro fundido, la luna de caramelo. La luna de caramelo. Vivo en un cuento de Adán, y es más bonito tu sueño, y el sol de oro fundido, la luna de caramelo, y yo me pierdo contigo. Y tan a cuanto te quiero. La troupe de flamenco aussi, ici, à la Korrigane, 380 rue Dorchester. Je remercie Julie Perrault et ses danseuses, Annie Veillette également, et Louise Laëche. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé par des cours de flamenco à Québec, page Facebook Julie Perrault, également un site internet flamencoci.com pour avoir toutes les informations. Vous pourriez toujours prendre une classe d'essai aussi. Et ce soir, nous faisons également tirer un t-shirt aux couleurs du flamenco. Dans quelques instants, je vous parle du spectacle, le fameux spectacle de Paul McCartney, et un moment fort de la soirée où j'ai eu très peur, je vais vous le dire pour vous l'annoncer. Ce Paul McCartney, alors que le spectacle battait son plein, a pris un ukulélé et a décidé d'entonner Something, qui est quand même un grand classique des Beatles, au ukulélé. Ça allait très vite, c'était assez infidèle par rapport à la version originale. Et je me suis dit, mon Dieu, si c'est vraiment ça, sa reprise de Something, des plusieurs décennies plus tard, je suis un peu déçue. Et en fait, ce n'était que le début, puisque la version rock, a embarqué tout de suite après avec ses musiciens. Et ça a été un très, très beau moment du spectacle. Alors, un petit rappel de ce qui s'est passé hier. Voici Something the Beatles. Something les Beatles avec Something à CKRL 89.1. Comme je vous le disais en introduction, l'un des moments forts de ce spectacle hier, alors que j'ai failli avoir une frayeur, comme je vous le disais avec cette introduction au ukulélé, mais finalement, quand le groupe de Paul McCartney a embarqué là-dessus, ça a été magique à l'image de cette chanson. Alors, retour sur ce spectacle au Centre Vidéotron qui faisait l'événement hier. Paul McCartney en pleine forme, faut le dire, 76 ans, près de 3 heures de spectacle, sans sortir de scène, sans s'asseoir. Il s'est même retrouvé seul en scène face à son public, parce que les musiciens se sont retirés à un moment donné. Quelle prouesse, quel exemple, hein, j'ai envie de dire. On a tous envie de vieillir comme ça, et d'être une rockstar comme lui, et de pouvoir avoir la musique qui nous rende aussi immortels. Franchement, ça a été un bel exemple qu'on a eu hier, un modèle artistique incroyable. C'est pas pour rien qu'il est considéré pour beaucoup comme une légende. Faut savoir qu'il n'avait pas de première partie hier, hein. Le spectacle était annoncé à 20h. Ça a démarré à 20h15. Donc vraiment, le 15 minutes de diplomatie à l'anglaise, histoire de se faire désirer un petit peu. Mais on n'a pas fait durer le plaisir trop longtemps. À 20h15, le spectacle a démarré. C'est un Centre Vidéotron qui n'était pas annoncé complet, mais quand même, hein, il fallait vraiment scruter au loin les sièges vides pour s'en rendre compte, parce que c'était un Centre Vidéotron très fébrile qui a accueilli Paul McCartney pour le lancement de cette tournée mondiale Freshen Up, hein, qu'on a pu apprécier hier. Comme je vous le disais, ça a été un feu roulant pendant 3 heures. On embarque tout de suite avec les grands succès des années 60. She Loves You, It's a Hard Day Life, pour commencer la soirée. Et ça a démarré tout de suite. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, les gens, évidemment, veulent voir Paul McCartney pour entendre les succès des Beatles, mais surtout les plus anciens. Vous savez, les vrais débuts. On a tous peut-être nos albums préférés qui ont traversé le temps pour les Beatles. Mais là, hier, ça faisait l'unanimité. Les premiers succès des Beatles étaient ceux qui faisaient le plus crier la foule. J'étais bien étonnée. Je pensais que les chouchous allaient se trouver ailleurs. Bien sûr, Let It Be, Hey Jude ont été de grands succès aussi pendant la soirée. Mais comme je vous disais, il y a eu un gros coup de cœur pour ces grands classiques des débuts des Beatles. On en a pris plein la vue, comme je vous le disais, pour l'énergie de Paul McCartney, parce que côté scénographie, à part la finale où évidemment il y a des explosions, il y a du feu de partout, il y a des projections, ça reste quand même un spectacle qui se base sur la performance des musiciens et de Paul McCartney. On veut pas en faire des tonnes non plus, on s'imagine qu'il y a un gros budget derrière cette production, mais c'est loin d'être un spectacle de Lady Gaga ou de Rihanna, où il va être suspendu dans les airs par exemple, quoique la scène s'est surélevée à un moment donné. Des beaux moments d'intimité aussi, il faut toujours le faire, hein, au Centre Vidéotron, c'est quand même immense comme salle, et pourtant quand Paul McCartney se retrouve seul devant son public avec cette petite, ouais, quand même cette scène qui se surélève lui seul à la guitare et qu'il chante Blackbird juste à la guitare acoustique, ça crée une proximité assez incroyable. Il faut être capable de le faire, et il faut avoir aussi les grands succès pour se faire aussi, et évidemment Paul McCartney les avait sous la main. De beaux hommages aussi à John Lennon, à qui il a dédié l'une de ses chansons, à George Harrison aussi, membres du groupe qui sont décédés, hein, des Beatles, et on a eu de très très beaux hommages, la foule qui l'a acclamé aussi au moment de ses hommages. Des moments très très forts, il faut le dire, beaucoup d'émotions dans la salle au Centre Vidéotron. On a redécouvert aussi, moi pour ma part, je connaissais bien le répertoire des Beatles, mais je connais toujours un peu moins, je pense que la majorité du public, c'est la même chose, les succès de Paul McCartney en solo, et ça a été l'occasion de redécouvrir de très très belles chansons aussi qu'on a pu avoir hier. D'ailleurs, Spotify, vous savez, c'est une de mes ressources préférées pour voir à quelle écoute s'élèvent certains albums. Spotify a lancé une session Spotify Singles où Paul McCartney a enregistré ses plus grands succès à l'Abbey Road Studio, bien sûr, mythique à Londres. Alors autant, comme je vous dis, des succès plus anciens que des chansons plus récentes de cet album qu'il présentait tout de même, hein. Il a joué très peu de chansons de Egypt Station, notamment Few You, le single, mais on peut revivre cette ambiance du spectacle sur Spotify. Belle initiative pour la peine de la plateforme de streaming.

On est de retour dans Sortie culturelle à la Korrigane, Jessica Leb, avec vous pour vous présenter entrevue avec artistes d'ici en prestation aussi. On va en avoir plusieurs au courant de cette émission. Laura Lefebvre dans la prochaine heure qui sera en prestation. Également Mathieu Diependel, un Français qui va nous présenter son lien avec le ukulélé puisqu'il sera en spectacle ce jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Mais on part dans une section découverte ou redécouverte parce que si vous avez l'habitude de les suivre, je vous apprendrai certainement rien. Les productions Rhizome sont avec nous aujourd'hui, un organisme de Québec qui réalise des spectacles et des événements interdisciplinaires de littérature. C'est pas toujours évident déjà de proposer des activités de littérature, mais là, quand on allie plusieurs disciplines, ça devient tout à fait intéressant. Pour vous en parler aujourd'hui, deux représentants des productions Rhizome, Yves Doyon, directeur général administratif de Rhizome, bonjour. Bonjour. Et également Jean-Yves Fréchette, membre du conseil d'administration active sur un projet dont on va vous parler, Vocalité Vivante. Bonjour. Alors, pour commencer, Rhizome, ça fait combien de temps que ça existe? Écoute, c'est né en 2000, donc on peut dire 18 ans. Donc, il est majeur cette année. 18 ans déjà à créer donc ces événements de littérature avec plusieurs disciplines. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce mariage avec d'autres disciplines? Bien, c'est surtout de pouvoir explorer des formes différentes de littérature, essayer de découvrir comment la littérature peut s'exprimer autrement que par les livres. De prime abord, il est important de dire que nous sommes tous des lecteurs assidus, donc nous aimons les livres. Sauf que Rhizome, son mandat s'est donné, ou sa mission que Rhizome s'est donnée, c'est avant tout de voir comment on pouvait faire autre chose avec la littérature, sous toutes ses formes, ceci dit. Ça peut être la poésie, les essais, toutes les formes qui ne sont pas propres à la scène, donc pas de théâtre. L'idée étant de voir comment on peut faire vivre la littérature autrement en la mélangeant avec d'autres disciplines artistiques, donc dans une forme interdisciplinaire. Ça peut prendre des formes comme des installations, des spectacles, des parcours relationnels, des performances. Alors, c'est variable, dépendamment des auteurs et des artistes qui sont ensemble et qui travaillent ensemble à produire le spectacle, souvent à partir de textes originaux, de musique originaux, de vidéos originales et parfois des textes déjà existants que l'on transforme pour en faire un projet. Oui, c'est comme si c'était une vaste opération de métissage entre, entre des arts qui se côtoient souvent sans trop se parler. Ici, moi, le fait de voir, par exemple, la littérature s'inspirer ou inspirer la performance, l'art audio, la vidéo, etc., je trouve que c'est une avenue extrêmement féconde et puis qui non seulement rend justice à la littérature, mais qui permet aussi d'ouvrir d'autres débouchés, d'aller chercher d'autres lecteurs, de toucher d'autres sensibilités pour finalement créer une façon de montrer la littérature en dehors du livre et de montrer que, comme le disait le poète, la littérature est dans la vraie vie. Elle est capable de vivre en dehors du livre, cette littérature. Quels ont été les mariages les plus insolites? J'aime bien dire mariage, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est intéressant aussi. Oui. Mais les plus insolites que vous avez pu proposer? Je vous dirais, danse et poésie étaient assez insolites. C'est un projet qu'on vient à peine de terminer qui s'appelait Les Oracles, qui est un diptyque, dans le fond, deux duos. Insolite surtout parce qu'on s'est aperçu que c'est très difficile de marier une poète et une chorégraphe. C'était des femmes d'ailleurs au départ, les deux, et les chorégraphes voulaient faire bouger les auteurs qui ne bougent pas. Ah bon? Le but c'était de les faire danser? De les faire bouger à tout bouger. Le moins, parce que l'idée c'est de les mettre en scène, c'est pas pour autant d'en faire une danseuse. Et inversement, l'auteur devait donc s'intéresser au mouvement alors que d'habitude ils écrivent assis là-dessus. Le premier duo d'ailleurs qui était avec Karine Ledoyen de Québec et Catherine Godin de Montréal, était assez difficile pour ça parce que pendant une résidence d'un mois, ils ont dû se battre littéralement pour apprendre l'une et l'autre à se connaître. La chorégraphe attachait l'auteur, la faisait bouger, la mettait en scène, essayait de la faire bouger et l'auteur a écrit un texte en réaction pendant ce moment-là. Donc, ça donnait un texte assez fort sur le féminisme, dans le fond, sur la place de la femme, sur son rôle. Et ce mariage-là a donné quand même un résultat assez étonnant parce qu'à la fin, il est quand même sorti un spectacle. Donc, je pourrais dire que ça, c'est un des mariages les plus intéressants. Il y a eu des mariages autres avec le son qui est plus naturel, avec l'image vidéo. Et Vocalité Vivante, j'ai envie de glisser déjà là-dessus, oui, qui est un projet un peu à part parce qu'il est à la fois procède d'un spectacle, mais aussi un parcours relationnel, d'un moment, d'une série de rencontres avec des communautés, avec des individus, avec des poètes qui sont dispersés dans la francophonie canadienne. Donc, ce projet-là prend une ampleur beaucoup plus large qu'un simple rencontre entre un ou deux ou trois artistes. Donc, s'étend sur une communauté, sur un territoire. Et je dirais que ce projet-là, effectivement, qui a duré d'ailleurs un an et quelques, est un projet qui a une ampleur importante. Il y en aurait d'autres, naturellement. Mais on va aller, oui, sur celui, sur l'actuel, puisque vos qualités vivantes, vous allez aussi le présenter dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec en fin de semaine. Donc, pour rappel, avec ce projet en 2017, c'est toute une équipe qui a parcouru le Canada à bord d'une caravane pour aller à la rencontre de membres de 5 communautés francophones, 5 différentes communautés francophones. Quand on parle du Canada, c'est au sens très large, d'est en ouest, puisque vous êtes allé de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Saskatchewan. Il y a un documentaire de David B. Ricard qui va être présenté pour l'occasion et une publication de Rhizome que nous avons sous la main ici à la Korrigan d'ailleurs. C'est oui, bien ça, les voix, oui, voilà. Les voix du vivant. Voilà, les voix du vivant. Ce qu'il faut savoir en fin de semaine, c'est la fin du projet. Hein. Mm-hmm. C'est le documentaire que l'on lance et la publication qui viennent comme terminer clair, parce que le projet comme tel, le parcours relationnel s'est terminé l'automne dernier. Il y a eu un grand spectacle à Québec qui était donné en mars dans le cadre du mois de la francophonie qui là, reprenait tout le parcours en images, en son et en texte. Et avec la présence de poètes de chacune des provinces visitées et d'une poète française, ça a donné vraiment un spectacle important. Et cette fois-ci, ce que l'on fait, c'est seulement ramener une portion congrue du spectacle. On fait une version courte pour donner le goût à ceux qui l'ont manqué, mais c'est surtout en fin de semaine le lancement du documentaire et de la publication qui viennent terminer l'année et demie de ce grand projet. Le cycle, oui. Et tout un projet, comme on le disait, pour cette traversée. Et les poètes aussi qui vous ont accompagné dans ce projet. Il y en a qu'on connaît de nom, d'autres qu'on découvre aussi à travers vos qualités vivantes. Ben, écoutez, ce qui était intéressant dans le projet, c'est de partir d'un texte souche, qui est un poème de Karl Lacharité, et de demander à des poètes qui habitent dans des communautés francophones hors Québec, de l'adapter dans un idiome qu'ils côtoient tous les jours. Donc, de demander, par exemple, à un Brayon du Nouveau-Brunswick de réécrire, en quelque sorte, ou de revoir le poète, de demander à quelqu'un de la Nouvelle-Écosse de produire un texte dans lequel on pourrait entendre un peu de la musicalité de ce coin de pays. Et on a fait ça un peu partout. Au final, on obtient donc une réécriture de texte qui rend justice, je dirais, à ces différentes parlures qu'on trouve au Canada français. Mais en même temps, on lui ajoute cette dimension sonore, puisqu'on va demander à la fois aux poètes de lire leur adaptation, mais aussi à des monsieur et madame tout le monde, des quidam rencontrés dans la rue, de prendre la parole dans un idiome qui est le leur. Et ça donne, je dirais, une collection à la fois de textes singuliers, mais aussi une espèce d'anthologie sonore de ce que sont les poètes de rue à travers le Canada français. Et ça, c'est extrêmement touchant puisque on rencontre à la fois des travailleurs, on rencontre des gens qui sont du côté de l'enseignement, on rencontre des gens qui sont des badauds dans des parcs et à qui on demande « Voulez-vous lire un texte de poésie ?» Et spontanément, ces gens-là se disent « Est-ce qu'on peut ?» Mais oui, vous pouvez. Alors, ça donne lieu à quelque chose qui est très, très prenant parce que ce ne sont pas des lecteurs professionnels. Ils se sentent, au fond, interpellés dans ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire dans leur fragilité de porteurs de voix francophones dans un pays, bon, on pourrait le dire, hein, majoritairement dominé par les anglophones. Alors, ça donne quelque chose, à la fois, une image de la résistance, mais une image de la fierté du français à travers le Canada. Il faut savoir, c'est que le texte de départ qui s'appelle « Le vivant » est un texte de Karl Lacharité qui vient d'un autre projet d'ailleurs et qu'on a repris pour ce projet-ci. Et le texte a été adapté par chacun des poètes des provinces traversées, c'est-à-dire en Nouvelle-Écosse, par exemple, c'est Georgette Leblanc qui a fait une adaptation de quelques vers du poème, ce qui fait que c'est ce texte-là adapté qui est lu par les gens de la place. Donc, c'est dans leur parler, dans leurs accents. Et chacun des territoires, finalement, traversés, il y a vraiment l'adaptation dans le parler local de la place, ce qui fait que ça donne un éventail intéressant de mots, de sonorité lorsqu'on l'écoute, mais de mots aussi lorsqu'on le lit dans le livre. Parce que le livre, naturellement, ne peut pas donner les accents, mais donne les textes. Mmh. Mais le documentaire, si les gens viennent le voir samedi, vont pouvoir entendre, parce qu'il y a la place de ces lecteurs improvisés et des poètes qui ont aussi, qui lisent eux-mêmes leurs textes. Donc, on a là la diversité, effectivement, des accents, mais avec une adaptation du texte, le vivant, qui, incidemment, parle lui-même des origines de la vie, de leur évolution. Donc, on a transposé origine de la langue, origine de la vie, et ça a donné cette place-là. Et les gens étaient très touchés lorsqu'ils lisaient le texte dans leur parole. Mm-hmm. Alors, on le rappelle, pour découvrir cette présentation de Vocalité vivante, ce vendredi 21 septembre, scène de la Place du Ville, une version écourtée du spectacle avec l'artiste sonore Éric Dorion, le réalisateur également du documentaire correspondant, hein, Jean-Yves Fréchette, et les poètes Daniel Aubin et Jonathan Roy, respectivement d'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Ça sera à 17h au Carré Duville, donc, et c'est gratuit si vous voulez découvrir le tout. Et samedi 22 septembre, c'est la grande première du documentaire Vocalité vivante, pardon, à l'auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec, auditorium Sandra et Alain Bouchard. Il y aura une table ronde par la suite, découvrir la francophonie nord-américaine d'ailleurs, qui sera tout à fait en lien avec le documentaire, bien sûr. 13h pour ce samedi et 14h30 pour la table ronde. Alors, on va peut-être conclure avec une lecture en extrait de Les voix du vivant qu'on pourra se procurer certainement samedi. Juste avant de terminer, pour dire que si jamais il y a pluie, parce qu'il semblerait que c'est possible qu'il pleuve vendredi, le spectacle va avoir lieu à l'intérieur, possiblement au Palais Montcalm, mais les informations vont être données, donc ça n'est pas annulé. Les gens doivent se présenter, venir voir le spectacle vendredi. Déplacé à 17h. Voilà. D'accord. On suit la page Facebook de Rhizome, par exemple, pour le savoir. Oui, ou même sur place, ça va être annoncé par le festival. D'accord. Alors, on va écouter un extrait de cette publication « Les voix du vivant » pour conclure. Jean-Yves Fréchette. Oui, écoutez, c'est assez intéressant parce que notre promenade dans le territoire nous a amené à faire des rencontres absolument insolites, improbables, dont un monsieur qui s'appelle Carole Jean-Léonard, qui est un monsieur qui s'occupe de toponymie. Et en regardant la carte qu'il a faite de la Saskatchewan en 1865, on s'aperçoit que tous les noms de lieux étaient des noms francophones. On avait rebaptisé les Amérindianismes, les Amérindianimes, pour en faire des noms de lieux français. Alors, quand on les reprend et qu'on lit les noms de cette carte-là de 1865, c'est avec une espèce de nostalgie qu'on dit aujourd'hui, mais tout ça, c'est devenu un territoire anglophone. Je vous lis quelques noms de lacs et quelques noms de lieux qui sont des lieux dits que les explorateurs canadiens-français avaient déjà baptisés. Bellevoir, Belle Plaine, Belle Eau, Belle Vue, Belle Butte, Beau Pré, Beau Site, Beau Lieu, Beauval, Beauvallon, Beauchamp, Batoche, Butte ou Bouleau, Butte de la viande sèche, Côte du Sourcil, Côte Noire, Coteau peinturé, Île du Chien grillé, Montagne des Lézards, Montagne sale, Montagne d'Embarras, Pointe du Chien maigre, Coquille pilée, Fontaine de roche, Fontaine de sable, Lieu dit Place verte, Ruisseau pierre à pipe, Rapide qui ne parle point, Le coude de l'homme, Rivière bras cassé, Roche où il y a un écrit, Roche écrite, Roche qui a traversé, Portage des épingles, Portage de la souris, Portage du canot tourné, Fourche des gros ventres, Fort Capelle, Fort la biche, Fort Maringouin, Fort du lac, Lac des bœufs, Lac cheval, Lac chitac, Lac du lac. Comme quoi, la géographie et la toponymie peuvent parfois être le reflet des imaginaires des gens qui l'habitent. En 1855, c'était un territoire francophone. À découvrir dans cette publication Les voix du vivant qu'on pourra se procurer ce samedi 22 septembre au Musée national des beaux-arts du Québec. Je vous rappelle, après cette grande première du documentaire Vocalité vivante, ça fait jouer la diction aussi à 13h. Merci beaucoup, Rhizome, d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Jean-Yves Fréchette et Yves Doyon. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Manny Junior and the Cyclones qui vient tout juste de lancer un album et on se met dans l'ambiance du Nouveau-Brunswick avec Radio Radio. Voici Galop et c'est d'ailleurs en collaboration avec Georgette Leblanc. Ah ouais? Ça, c'est pas vrai. Puis, on a trouvé deux. Ah? Oui. Actually, trois. Nice. Il y en a qui peut être The Danny Song de Anne Marie. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme the belle of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme the belle of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, c'est comme the belle of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ride on, that's right, comme le bel et le bal. Je hop en cheval avec des stocks de métal. Mais des fruits blue navy, ça c'est gravy. Ça c'est mon cheval avec un Seabiscuit belle jambe. Ça c'est ça j'appelle un underdog. J'suis gone au bal avec mon cheval. Je m'installe en dessous des gradins qu'on met la bague. Qu'est-ce t'attends mes cotton balls? Ma overall, je porte bien mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong. Qu'on peut vendre les loups. Si tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, comme the bell at the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, comme the bell at the ball. Avec tes cheveux dans le vent, t'aimais jouer hard to get. Avec un smile, tu dis que je suis wild. Tu veux me drop un forfait, but j'aime ça quand tu te moques de moi. Rond dans le foin, j't'ai dans mes bras. Horn qui hang, ça nous bottera pas. C'est peut-être même qu'on aimait ça. C'est la bear, back, spice, rack. J'veux savoir ton almanac. De moi dans ta vie, et j'crois ça mieux faire mieux on dit. Parce que ça vient pousser ça, pousser ça, pousser, pousser, pousser ça. Pousser ça, pousser ça, pousser, pousser, quoi que ce soit. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Baron, that's right, comme the bell at the ball. Galope de Radio Radio avec Georgette Leblanc, hein, poétesse qui a participé au projet Vocalité Vivante et que vous pourrez lire dans le livre Les Voix du Vivant. On fait d'ailleurs tirer deux exemplaires à la suite de cette émission. Si vous êtes à la Korrigan, 380 rue Dorchester, rejoignez-nous. Et également un billet pour voir le documentaire de ce samedi au Musée National des Beaux-Arts du Québec. On continue maintenant en rockabilly avec un groupe incontournable à Québec quand on parle du genre, Manny Junior and The Cyclones, et on a le chanteur, leader du groupe Manny Junior qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous venez de lancer avec le groupe un tout nouvel album, Hot Bop, ouais. Qui est sorti quoi, à la fin du mois d'août? Oui, exactement. Officiellement? Ouais. Oui, c'est le quatrième album du groupe. Le groupe qui existe depuis 2008. Puis c'est le deuxième qui sort sur l'étiquette El Toro Record, qui est basé à Barcelone, en Espagne. C'est original de sortir sous une étiquette aussi lointaine. Ouais. Comment on s'est ça fait se découvrir fait? En 2014 par un animateur radio qui a son émission depuis, je crois, 1990, le El Nocturno Show. Il nous a découvert par Internet. Puis il a parlé de nous à deux compagnies qui sont assez majeures dans le rockabilly, Sleazy Record et El Toro. Puis c'est El Toro qui nous a retenus puis a offert un contrat. D'accord. Et comment ça se passe, la promotion comme ça à distance? Eux, j'imagine, ils ont une diffusion plus large que l'Espagne. Oui, exactement. Eux s'occupent de tout ce qui est la promotion, distribution numérique et aussi la distribution partout en Europe. D'accord. Du CD. Ça vous ouvre de grandes portes alors pour pouvoir tourner en Europe, par exemple? Oui. Il y a des bonnes chances qu'on. Parce que El Toro Record ont leur propre festival qui est le Screaming Festival, qui se tient au début juin à chaque année. Et il y a des bonnes chances que cette année, on y aille. Puis je travaille très fort en ce moment. Je parle à tous les contacts que j'ai dans le milieu rockabilly pour essayer d'avoir une tournée européenne pour le début juin. Annexer le show du Screaming à Barcelone, puis après partir dans une tournée européenne dans les différents pays d'Europe. En 2019. Oui, exact. Alors, et avec cet album aussi, de nouvelles chansons que vous présentez, Manny Junior, toi, tu as fondé le groupe avec ton père au départ. Oui, exact. Mon père est toujours là, puis on joue ensemble dans tous les projets qu'on a, qui est aussi les Typhoons, le groupe Surf, années 60, avec lequel on compose aussi. Et maintenant, on a le Manny's Honky Tonk Trucker Band, qui est un groupe country, qui joue pas des compositions, mais c'est des chansons des autres de country américains. Vous devez beaucoup tourner aussi avec ce genre de projet. C'est toujours très en demande, la musique country, oui, au Québec particulièrement. Oui, oui. Puis il y a vraiment... je crois qu'il y a un regain de popularité là-dedans. Nous, on travaille souvent au Ballroom Country. Puis cette année, il y a beaucoup de jeunes entre 18 et 35 qui viennent pour la danse. Puis c'est vraiment surprenant. Et le rockabilly aussi, moi je sais, ça m'a marqué quand je suis arrivée à Québec de voir une scène rockabilly. Oui, c'est un noyau, c'est petit, mais quand même c'est très vivant avec des événements, des spectacles, des soirées thématiques. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'a fait baigner dans le rockabilly? Qu'est-ce qui t'a donné envie de composer dans ce style-là qui paraît terminé alors qu'en fait il est bien vivant? Oui, il est bien vivant. Dans le fond, nous, on réinvente rien, on fait juste... continuer à faire tourner la roue. Puis ce qui m'attire là-dedans, c'est tout le mode de vie qu'il y a autour de ça. Il y en a qui... L'affaire qui nous rejoint tous, c'est la musique. Mais il y en a qui sont là-dedans pour la danse. Il y en a qui sont là-dedans pour les voitures antiques. Il y en a qui sont là-dedans pour le linge. Pour peu importe tout le mode de vie des années 50... ça va même décorer sa maison vintage. Puis... ou ne serait-ce qu'avoir deux ou trois objets, des fois, il y a un regain pour cette époque qui nous fascine à travers ce qui est de plus ancien. Oui, exactement. Et sur les chansons, quand même, bon, vous chantez majoritairement en anglais. Oui. Mais quand même, premier extrait de l'album Hot Bop, il y a une version française. Oui, j'ai mis une version... comme je disais à la blague hier, je l'ai fait en québécois parce que... France, québécois, c'est, ouais. C'est en France, mais nous, on le fait en joual. Et pourquoi? T'as eu la demande pour faire ça? J'ai commencé... En fait, ça a commencé il y a environ 4 ans. J'ai commencé à piquer... parce que j'achète beaucoup de 33 tours puis de 45 tours québécois des années 50 et 60 et beaucoup aussi des artistes western du Québec, les plus connus puis les moins connus. Puis j'ai découvert que il y a du rock'n'roll, il y a beaucoup de rock'n'roll qui se sont faits dans les années 50 au Québec puis dans les années 60. Faut pas oublier une affaire, le rockabilly, ça vient de la musique country, ça vient de la musique western et hillbilly, mélangé avec le blues et le rhythm and blues. Donc, c'est juste normal que les artistes western, si on parle du Québec, qui ont fait du rock and roll, puis du rockabilly. Puis, depuis 4 ans, j'ai commencé à jouer de ces chansons-là, qui fait partie de notre répertoire québécois. Puis j'ai commencé à faire comme les artistes faisaient, prendre des versions américaines, les traduire. Puis j'ai fait la même chose pour Hot Bop, dans le fond. Je l'avais composé en anglais, puis je l'ai traduit en français. Mais c'est pas impossible. Je serais vraiment intéressé de faire un album pour les Cyclones complètement en français. À venir. Oui, j'aimerais ça. D'ailleurs, le lancement officiel aura lieu à Québec, au Café Rencontre Centre-Ville. C'est sur la rue Saint-Joseph, 796, si vous voulez vous y rendre, le 13 octobre prochain. Oui, 13 octobre prochain. Puis j'aimerais spécifier que l'auditorium qui est au-dessus du Café Rencontre Centre-Ville, c'est l'ancien cabaret du Barry Duit. Le Barry Duit tous les plus grands artistes américains et partout dans le monde venaient dans les années 50 pour faire la musique. Et, donc, c'est pas choisi au hasard. Non, nous autres, on y a vraiment été pour la valeur historique. Mais j'aimerais spécifier quelque chose. C'est une très bonne nouvelle. Le show est ouvert à tous. On se cachera pas, on est à peu près tous... ça fait 10 ans que le groupe existe. Maintenant, on est à peu près tous dans le milieu de la trentaine ou fin de la trentaine. Puis les gens qui nous suivent depuis le début, ils peuvent pas tout le temps venir à nos concerts parce que souvent, on joue dans des places où c'est 18 ans et plus. Et À cause de l'ambition du café Centre-Ville, il n'y aura pas de vente d'alcool à mon lancement d'album. Parce que la mission du café Centre-Ville, c'est d'aider les toxicomanes, les alcooliques et les itinérants. Ils servent entre 200 et 300 repas par jour. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Puis, donc ça rouvre notre concert à tout le monde. Les familles sont invitées, vous pouvez venir avec vos enfants. C'est 10$ le coût d'entrée pour les adultes. Puis pour les gens de 18 ans et moins, c'est 5$. Puis ça va être une soirée vraiment spéciale. On va faire notre concert, c'est sûr, on va faire notre album. Mais moi, je veux profiter de la soirée pour rencontrer les gens, puis célébrer l'album, puis les 10 ans du groupe. En famille, là, hein? Oui. C'est un samedi, je regardais quel jour ça tombait quand même, donc 13 octobre, c'est un samedi. À 20h. Avec les enfants, il n'y a pas d'école le lendemain. Non. À 20h, effectivement. Pas besoin de réserver des billets, ça non, c'est à la porte. C'est à la porte. Alors, on va écouter un extrait de l'album maintenant qu'on l'a en main ici à la Korrigan. Et en plus, on fera tirer des albums ici aussi pour le public présent. On va écouter ce hot pop français. Merci beaucoup, Manny Junior. Ça fait plaisir. Voici Manny Junior and the Cyclones avec Hot Pop. Bonjour, ici Fabien Gabel. Le 19 septembre, laissez-vous impressionner par notre concert d'ouverture, une soirée grandiose où Lise de la Salle donnera le ton à cette saison époustouflante en interprétant le troisième concerto de Rachmaninoff. Pour cette nouvelle saison avec l'Orchestre Symphonique de Québec, j'ai provoqué des rencontres étonnantes et élaboré une programmation offrant classiques intemporels et découvertes inattendues. Je vous y attends avec impatience. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Fait qu'on s'est vraiment lancé là-dedans sans censure, en mettant toutes les photos, autant les mamelons, les corps. Mireille Busque, designer et photographe de l'environnement. Ce que je recherche dans un décor, c'est souvent le côté construction-déconstruction. Le côté d'utiliser le lieu tel qu'il est, d'utiliser des objets, d'ajouter des objets aussi... Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes,

L'amour mécanique, Laura Lefebvre, à CKRL 89.1. Vous êtes dans Sortie culturelle à la Korigane, Jessica Leb avec vous. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. C'est notre rendez-vous du mardi, CKRL avec les artistes d'ici et avec vous. 380 rue Dorchester dans le quartier Saint-Roch. Si vous voulez nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 19h30. Et si on a écouté Laura Lefebvre, c'est pas pour rien. On la suit depuis très longtemps à CKRL. Elle n'avait rien sorti, encore pas une seule chanson enregistrée qu'on l'a recevait déjà ici pour parler de quelques spectacles qu'elle faisait un peu partout en ville. Et on est très heureux de la recevoir aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cet été. Bonjour Laura. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de te voir. On s'est parlé par téléphone la dernière fois dans l'émission Première Loge. C'était alors que tu accédais aux demi-finales du Festival international de la chanson de Granby. Depuis, tu es allée en finale. Oui, exactement. Pardon, mon Dieu, je vais y arriver. Et tu as remporté de beaux prix. Alors, tu n'es pas la lauréate officielle de cette édition 2018, mais tu as quand même remporté de très beaux prix. Raconte-nous un petit peu cette expérience pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Festival international de la chanson de Granby. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune artiste comme toi? On était 24 demi-finalistes on a partagé pendant comme environ un mois, je dirais, des moments où on avait des conférences, on avait des ateliers qui portaient sur vraiment toute là, l'écriture, autant la formation c'est quoi être auteur, compositeur, interprète. Puis bon, après ça, on avait nos demi-finales, donc nos spectacles, on était 6 par soir. Puis après ça, on savait qui s'en allait en finale. Il y avait 4 finalistes. Donc, ça a été ça, l'aventure. C'est ça, on était 24 à vivre cette aventure-là. Là. Donc, 24 formations. Ça pouvait être des groupes, comme ça pouvait être des artistes solos, là, à vivre cette aventure-là, cette folle aventure-là. Et tu étais la seule représentante féminine à la finale. Oh oui, madame! Donc, très fière, bien sûr, j'imagine. Oui, très fière, très contente aussi, très choyée d'être la seule fille en finale. Puis je m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une seule fille en finale puis que ça soit moi. C'était un peu fou là, comme aventure là, cette finale là, qu'on se ramasse 4 puis que je sois la seule avec les boys là en finale. Mais c'était tellement le fun, là. C'était tellement une belle expérience. On va rappeler leurs noms. Alors il y avait Jessie Benjamin, Simon Elliott et Lord Byron qui vient de Saskatchewan d'ailleurs. Je pense que c'est l'année de la Saskatchewan en chanson francophone sincèrement, parce qu'Étienne Fletcher avait gagné aussi le Cabaret Festif de la Relève à Baie-Saint-Paul, qui est un concours bien important aussi dans le milieu. Comment on se prépare à une finale? Bon, déjà, tu étais la seule femme, on sait, la représentation féminine là, en musique, on en parle beaucoup. Comment tu te préparais? Parce qu'il me semble que vous choisissiez des chansons pour passer en audition, puis que vous ne pouviez pas changer, en tout cas pour les demi-finales, ces chansons que vous alliez jouer. Oui, exactement. Donc, on avait 3 chansons de notre répertoire qu'on devait sélectionner. Et puis, une fois que l'ordre même de ces chansons-là était sélectionné, on n'avait plus le droit de changer rien. Donc, ni la chanson, ni l'ordre de passage des chansons. Ça a été la même chose là, dès l'audition jusqu'à la finale. C'est quand même quelques mois qui s'écoulent là, entre ces deux étapes. Oui, l'audition est au mois de mai, donc mi-mai, je pense. Puis c'est ça. Puis même les chansons qu'on présente au début, c'est vrai, je me rappelle de ça, mais à notre inscription, c'est 3 chansons qu'on présente. Fait que ça, c'est les mêmes là, dès l'inscription. Même avant l'audition, on s'inscrit avec 3 chansons. Là, fait que ça n'a pas le choix d'être ces 3 chansons-là tout le long de l'aventure. Là. Ouais. Donc, il n'a pas fallu regretter son choix parce qu'il faut défendre ses chansons jusqu'au bout. En finale, tu as eu une marge de manœuvre quand même sur les chansons que tu présentais? Non, c'est ça même en finale. Ah on oui, garde les c'est mêmes. C'est encore les mêmes 3 chansons. Oui, mais c'est ça, on est tellement bien accompagnés. Moi, j'avais mis musicien là-bas, mais on a quand même un directeur artistique, un directeur musical, le directeur musical qui était Philippe Brault d'ailleurs, qui a travaillé avec plusieurs artistes. Puis ça a été, c'est ça, on était vraiment accompagnés là, de A à Z là, dans toute l'aventure. Puis à la fin, quand on savait qu'on s'en allait en finale, on avait quand même des ateliers, on avait quand même des formations, des conférences à aller. Fait qu'on, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est préparé. T'sais, on avait des répétitions, comme avec les deux directeurs, en fait. Pour un concours, c'est un luxe, là. Oui, c'est ça. Habituellement, on se prépare tout seul. Oui, c'est ça, exactement. Pour n'importe quel spectacle, je suis toute seule chez moi à écrire mes interventions. Mais sinon, là, on avait la chance de travailler avec deux directeurs extraordinaires. Fait que c'est comme ça qu'on s'est préparé, mais tu sais, on avait toutes le même aide. Donc, c'est sûr que ça nous a tout donné un plus là, pour la finale, mais... Mais voilà, puis ça a été quand même rapide, là, les 4 jours qui se sont écoulés entre savoir qui s'en va en finale puis la finale. Ça a été rapide, là. On avait des trucs à chaque jour, là, que ce soit des conférences ou justement des ateliers, là. Fait que ça a été vraiment, ça s'est fait rapidement, là. Intense. Intense comme période. Et tu repars quand même gagnante parce que tu as reçu le prix de la chanson Socan pour la meilleure chanson et c'est celle que tu vas nous interpréter ici à la Korrigan. Elle s'intitule Émile. Est-ce que le fait de gagner, parce que donc tu as sorti un EP de 5 chansons, est-ce que ça crée un lien particulier avec cette chanson une fois qu'on gagne un prix spécialement pour ce texte-là? C'est drôle, mais cette étape-là a été faite avant moi, cette chanson-là, dans tout le EP. Je trouve que c'est une chanson qui facilement, je vais l'interpréter, puis c'est ça, je vais avoir de la facilité à la faire parce que ça me rejoint beaucoup, le texte. Quand je l'ai écrit, justement, on dirait que j'étais comme dans un mood. Bon, je sais que cette chanson-là, ça va être une chanson très cool du EP. Puis en spectacle, j'adore la faire aussi. Fait que je savais que si au concours, il y avait une chanson qui allait rayonner dans mes 3, ça allait être Émile, pardon. Donc voilà, fait qu'après ça, ça a juste fait comme OK, bon, mais les gens aussi l'aiment finalement. Le public, le jury l'a aimé. Donc c'est sûr que ça a été un plus, mais c'était déjà un plus au début. On dirait cette chanson-là, elle vient vraiment me chercher. C'est une de mes préférées là, sur le EP. Fait que voilà. Alors on va l'écouter ici à la Korrigan, Laura Lefebvre avec Émile. Je te laisse t'installer. J'en profite pour dire que Laura Lefebvre a elle aussi apporté des EP à faire tirer dans l'émission. Alors si vous êtes à la Korrigan, 380 rue Dorchester, vous courez votre chance de repartir avec de beaux cadeaux culturels, hein, des livres, une paire de billets pour aller voir un documentaire aussi ce samedi. Bref, il y a que des bonnes choses à faire ici à la Korrigan. Vous repartez gagnant en plus. Alors on va écouter cette artiste qu'on a adoptée à Québec, parce qu'au départ elle vient de Beauce, Laura Lefebvre, mais on aime bien dire qu'elle vient de Québec, surtout quand elle ressort gagnante avec un prix au Festival international de la chanson de Granby. Voici Émile, Laura Lefebvre. Qui t'a appris que l'été était froid comme la neige? Qui t'a appris que la neige a neigé? Tu me demandes à l'oreille, est-ce comme ça quand tu l'enfonces? Tantôt tu pleurais de sommeil. Maintenant tu en fais des nuits blanches, des nuits noires aussi noires que ta vie. Tous les océans du monde se déversent sur ta tête. Tu ne comprends pas pourquoi il neige juste pour toi. Tu as effacé le soleil, pourtant tu brûles de silence en t'époumonant de givre. Ah, comme il fait mal de vivre, comme il fait noir aussi noir que ta vie. Aussi sombre que ces jours où tu comptes les plaies sur tes mains. Il y a des jours comme ça, des jours où ça ne va pas, des saisons où ça ne va plus. Merci Laura Lefebvre à la Korigane et à CKRL 89.1. On vient d'entendre Émile, reviens avec moi. Laura, on n'a pas terminé, reviens avec moi. Je pensais que j'allais la laisser là-dessus. Prix de la chanson Soukan, je rappelle, pour la meilleure chanson, remis au Festival international de la chanson de Granby. Laura, on se demande où est-ce qu'on va pouvoir te voir très prochainement. Je fouillais dans tes événements Facebook. Pour l'instant, je ne vois rien. Tu as des choses que tu ne peux pas nous annoncer, c'est ça? J'ai des choses que je ne peux pas vous annoncer. Je sais que le 30 septembre, je serai à la Journée de la culture à Sainte-Marie-de-Beauce, à Ovassin, en fait. Ça a été annoncé. Puis sinon, j'ai un show. Qu'est-ce que tu vas faire? Une prestation? Oui, c'est une prestation solo, en fait, de 30 minutes. Donc, si vous voulez passer, il va y avoir Dominique Pelletier aussi de Caravane qui va être là. Donc, ça va être une petite journée relax. Ils ont une très belle scène à Sainte-Marie-de-Beauce, la salle Méchatigan. C'est vraiment une belle scène où ils ont, comme, je pense, 500, quelques places, là, donc voilà. C'est chez toi, en plus. Oui, c'est ça, c'est parce à la maison. Parce que c'est ça, je dis qu'on t'a adopté à Québec, mais au départ, tu viens de Beauce. Oui. Et il n'y a pas si longtemps, tu y vivais encore. Oui, c'est ça, il n'y a pas si longtemps, là, comme un an et demi, je pense, là, j'étais retournée chez mes parents. Mais là, non, je suis bien, bel et bien installée à Québec, et j'ai adopté Québec, et j'espère que Québec m'a adoptée aussi. Mais oui, c'est ça, c'est chez moi, à Sainte-Marie, donc... Ça va être un petit spectacle de 30 minutes. Mais sinon, là, je travaille sur des nouvelles chansons. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de spectacles cet automne. Je suis en train de préparer un album là, qui devrait sortir fin 2018 ou début 2019. Là. C'est à suivre. Un album complet cette fois. Oui, c'est ça, un album complet. Donc là, vous savez ça, là, à CKRL, vous savez ça en primeur en ce moment. J'ai annoncé ça nulle part. Ben, c'est bien, on est content. Oui, c'est ça. Laura, tu nous réserves les primeurs à nous. Oui, mais c'est ça. Habituellement, c'est vrai, CKRL, vous êtes comme les premiers à comme, entendre mes chansons, à être là. Mais oui, oui, oui, des primeurs pour CKRL, que des primeurs. Merci beaucoup, Laura. C'était un plaisir de te voir. Je te propose, aimes-tu la bière? Oui, j'aime beaucoup la bière même. Aimes-tu le pitayana? C'est un fruit du dragon qu'on va découvrir. Est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir ça? Le pitayana. Oui, on va voir avec mon chroniqueur bière, pardon, dans quelques instants. Tu vas voir, bière et fruits exotiques, le mélange va être intéressant. Reste avec nous, je te sélectionne comme goûteuse officielle pour la prochaine chronique. Oh mon Dieu, mais quel honneur! On va peut-être, ça va peut-être nous ramener un peu d'été là, dans cette journée froide et pluvieuse. Parfait, bon, mais merci de me choisir comme dégustatrice, c'est tout qu'un plaisir. Tu vas devoir me donner tes impressions en échange. Parfait. C'est dans la suite de Sorties culturelles à la Korigane. On continue d'écouter un extrait du EP de Laura Lefebvre, Voici la bête.

Et déjà, rien qu'avec la canette, hein, qu'on repère un peu partout, on le rappellera, dans des épiceries, dans des dépanneurs spécialisés, elle ressort. Hein, elle est violette avec des fruits exotiques, donc elle ne peut pas passer inaperçue. Non, vraiment pas. C'est vraiment très tropical. Ça représente l'été. Et donc, Brasserie Générale, la particularité, hein, parce que les micro-brasseries souvent ont leur local, ont leur restaurant. Là, la Brasserie Générale, pendant longtemps, ce n'était qu'un centre de production. Ben oui, en fait, exactement. Donc, ils sont situés dans le quartier industriel, donc c'est vraiment une usine. Mais ils ont ouvert un salon, le salon BG. Donc, c'est vraiment un salon de dégustation où on peut aller déguster des bières, soit en fût, soit en canette, en bouteille, vraiment leurs produits. Ils ont certains brassins aussi vraiment expérimentaux, des brassins particuliers que vous pouvez aller goûter, que vous ne pouvez pas retrouver en canette sur le marché. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller faire un tour là-bas. Ils aiment toujours faire des mélanges aussi, des associations avec des fruits, hein? C'est pas la première fois. Ils font plusieurs choses. En fait, ils ont vraiment une belle gamme de bières différentes. Ils font aussi beaucoup de bières qui font vieillir en barrique. Dans le fond, ils font vraiment avec. Ils vont chercher des goûts avec le bois, avec soit le rhum, des barriques de rhum, il va y avoir des barriques de scotch, le whisky, etc. Fait qu'ils vont vraiment, ils font souvent vieillir des bières aussi. Alors, on a des goûteurs autour de la table. Travail très difficile lors de cette émission. Laura Lefebvre est restée avec nous. Alors, on rappelle le nom du fruit, Frédéric? Oui, exactement. Donc, c'est une bière au pitaya, à chair rouge. Donc, le pitaya, c'est le fruit du dragon aussi qui est appelé, à chair rouge. Et on a aussi ananas, de l'ananas dedans. Donc, c'est la combinaison des deux qui vient vraiment donner un goût assez tropical. Et d'où le nom pitayana. Exactement. Moi, je l'ai appelé le pitayana tout à l'heure, le fruit. C'est pas grave. Non, c'est la combinaison des deux, exactement. Laura, alors, qu'est-ce que tu en penses? Hey, Jessica, finalement, ça ramène vraiment l'été aujourd'hui. Sincèrement, c'est très fruité, là. C'est vraiment goûteux, là. Je pensais pas que ça allait être autant goûteux. Puis, habituellement, je suis pas fan des bières fruitées, mais celle-là, je l'aime particulièrement. Sincèrement, c'est très bon. Vraiment. Très traître aussi, combien de pourcents d'alcool, Frédéric? Ça, c'est une bière à 5,8%. OK. Donc, ça ne pas super, ça passe. C'est pas si mal, mais pour une bière fruitée comme ça, qui goûte quand même pratiquement le petit jus, là, le jus de fruits, c'est vraiment surprenant. Jacques Boivin, ouais. Membre du jury de Talent en scène, qui aujourd'hui n'a pas lieu, je tiens à rassurer nos auditeurs qui sont complètement friands de ce concours qui a commencé la semaine dernière. On va juger de la bière. Voilà, aujourd'hui on juge de la bière, mais on retrouvera le concours la semaine prochaine. Jacques, oui, t'es là, tu prends des photos ici dans l'émission. J'ai dit, bah, tant qu'à faire, viens goûter la bière de la Brasserie Générale. Qu'en penses-tu? Est-ce que t'aimes les bières fruitées, toi, au départ? Ben, j'aille pas les bières fruitées. Ben, je suis généralement pas très difficile. Je me promène d'un bar à l'autre, je peux prendre... même soirée, je peux prendre une start puis prendre des saisons à toutes sortes de fruits. T'sais, je veux dire, j'ai passé la fin de semaine à boire de la sour à la mangue. Moi, ça dépend vraiment beaucoup des saisons. En fait, l'été, je bois vraiment des bières fruitées, vraiment estivales. L'hiver, j'ai goût de me réchauffer. Je vais y aller plus dans les bières corsées, les starts, que ce soit les scotch ale, des trucs comme ça. Fait que je voulais ramener l'été aujourd'hui avec ça. Alors que est-ce que c'est une bière qu'on va pouvoir retrouver à l'année? Est-ce que c'est une bière saisonnière, en fait. Fait que c'est une bière que si vous voulez vraiment finir l'été en beauté, là, parce qu'il va y avoir quelques journées chaudes encore, vous pouvez la retrouver. C'est une bière saisonnière, elles ne feront pas à l'année. Mais profitez-en. Faites vos réserves avant qu'elle n'ait plus, ouais. Alors, Jacques, finalement, qu'est-ce que tu en penses de cette pitayana? Je vais sortir quelque chose de bizarre. Oula. Je reconnais le goût fruité, mais en même temps... c'est mon côté chum de bleuet qui sort. Il y a comme un petit côté red champagne, mais plus bière. C'est peut-être... Un petit nectar divin, là. Ben, c'est le côté acidulé, quand même, qui vient porter les bactéries lactaires, qui vont aller chercher un petit goût acidulé, mais c'est assez léger. Puis il y a aussi le houblon. Il y a un dry hop, dans le fond, qu'on appelle un houblonnage à froid dans cette bière-là, avec deux houblons, le citra et le mandarine Bavaria. Fait que ça vient de chercher des petits côtés, le côté houblonné, mais aussi le côté fruité de l'orange puis le citron de ces deux houblons-là. Fait que c'est vraiment une petite amertume aussi. C'est vraiment bien complexe quand même. C'est très très maudit, par exemple. Même si c'est 5,6%, c'est ça? 5,6%. Bon, mais moi, je dois le dire, je l'avais déjà goûté avant la chronique. Non pas que je savais qu'elle allait arriver, cette bière-là, dans la chronique, mais je l'avais repérée dans l'épicerie, comme je le disais, elle ne passe pas inaperçue. Moi, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'été. Évidemment, j'ai l'impression que cette année, c'est la mode, hein, des bières fruits tropicaux. Là, on a parlé de la sura à la mangue, mais il y en a d'autres, hein, qui sont disponibles. c'est vraiment ça qui a été le coup de cœur de beaucoup de gens cet été, tout dans les festivals. Nous, on en a fait quelques-uns. C'est vraiment ça qui ressortait, les saisons de framboises, les gauzes, les bières un petit peu salines avec un côté acidulé. On a vraiment les fruits un peu partout. Là. C'est vraiment, tout le monde travaille avec ça présentement. Et moi, je les aime à l'année aussi, donc je m'en passe pas non plus l'hiver. Donc, très bon choix. Est-ce que tu as déjà fait un tour dans ce salon de dégustation à la Brasserie Générale, Frédéric? Non, malheureusement, je ne suis jamais allé, parce que moi, je suis nouvellement résident de Québec, donc je suis pas allé encore, mais je connais les propriétaires, je connais quelques employés là-bas, donc c'est pour ça que je les encourage aujourd'hui. Et puis, si on veut les informations sur ce salon, peut-être connaître les heures d'ouverture, j'imagine, sur la page Facebook. Page Facebook, sinon le site internet brasseriegénérale.com. Ils sont ouverts du jeudi au dimanche, mais les heures sont variables, donc allez voir ça. Brasserie Générale, on rappelle le nom de cette bière qu'on découvre et qu'on déguste aujourd'hui, la Pitayana, canette violette avec des fruits tropicaux tout à fait savoureux. Laura Lefebvre, Jacques Boivin, merci de votre dévouement. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Merci pour cette belle dégustation et cette belle découverte. Et la bière aussi, on n'a pas parlé de la couleur de la bière qui est rosée. Ouais, flamboyant. Mauve, un petit reflet rouge. C'est vraiment... ça flash beaucoup, là. Ça attire l'attention. Ça doit taper l'œil, ouais. Rien qu'à l'œil, on l'aime beaucoup. Merci à tous. Frédéric Boudreau, assistant gérant à la Korrigan. On découvre une autre bière québécoise la semaine prochaine. Et évidemment, on vous rappelle qu'au menu de la Korrigan, c'est de la bière québécoise qu'on peut déguster, bien sûr. Alors, dans quelques instants, un invité français qui joue du ukulélé, Mathieu Diependel, qui fera un spectacle à la librairie Saint-Jean-Baptiste jeudi 20 septembre en entrevue et prestation. On se met dans l'ambiance du ukulélé. Les voici One World. From outer space, we're all the same. One world, night and day. Blue and green, a jet stream. One world, so serene. Picture this, the vast unknown, far beyond what you've been shown. Way out there, you're all alone. Imagine all the things you see, the Milky Way, a galaxy, Earth below, no boundaries, so free, so free. Space, we're all the same. One world, night and day, blue and green, a jet stream. One world, so serene. So serene. One World, CKRL 89.1, c'est Victoria Vox qu'on vient d'entendre. Ça fait partie d'un album qui s'appelle Ukulele Sirens, Songs for the Sea, un projet international de femmes qui jouent du ukulélé à travers le monde. Et elles ont décidé d'enregistrer une chanson sur ce même album. C'était Bianca Brochet qui était venue nous présenter ça, puisqu'elle est à Québec et avec son nom Mia Lotus, elle a participé à l'album, avec son projet, pardon, Mia Lotus. Et c'est justement de ukulélé dont on parle maintenant. C'est drôle, ça fait en deux semaines, ça fait déjà deux fois que je vous en parle. C'est pas non plus tous les jours qu'on parle de cet instrument pourtant si populaire, mais on a de la belle visite à Québec cette semaine. Mathieu Dipendel, artiste français qui fera un spectacle avec son ukulélé justement et son projet Southern Ukes. Il est tout seul, habituellement ils sont en duo. Ça sera ce jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste et il est déjà là à Québec pour nous en parler. Bonjour Mathieu. Ben, bonjour à tous et merci de me recevoir dans ce bel endroit et avec une bonne bière en plus, on est bien reçu. Ouais, voilà, on a la joie de pouvoir t'accueillir dans ce contexte. Alors raconte-nous, parce que bah, en fait je t'ai connu grâce au Ukulele Club de Québec qu'on a reçu il y a deux semaines dans l'émission. Ils m'ont parlé de ce spectacle, je dis bah tiens, c'est l'occasion d'en reparler. Mais toi tu les connais bien aussi malgré la distance. Bah, malgré la distance, oui, parce qu'en fait en commençant le ukulélé et par la même association qu'on a aussi en France du côté d'Antibes et de Nice, donc dans le sud de la France, en fait on a établi un partenariat avec le Ukulele Club de Québec pour une émission de radio qui s'appelle Le Plan Uk, donc qui passe tous les premiers samedis du mois sur une radio Clin d'œil FM dans le sud de la France. C'est une émission consacrée uniquement au ukulélé? Alors, c'est majoritairement sur le ukulélé, mais on dit mais pas que, parce qu'on peut parler aussi d'autres instruments ou d'autres actualités globalement qui gravitent autour du ukulélé, mais des fois il y a des artistes qui arrivent aussi avec de la guitare ou avec d'autres instruments et on n'est pas juste des intégristes du ukulélé, mais on aime bien parler musique et c'est là où André Pelletier du Ukulele Club de Québec nous envoie par le biais d'internet des chroniques qui vont nous présenter des artistes québécois ou canadiens en règle générale et aussi surtout des notions de voyage, un peu des cartes de voyage, donc c'est très intéressant. On a découvert comme ça des artistes inuits qui jouaient du ukulélé et voilà, donc le ukulélé n'est pas que réservé à l'hawaïen et il y a plein de mouvances qui arrivent avec le ukulélé, plein de styles musicaux différents quoi. Qui existe déjà depuis bien longtemps. Hein, on a eu un regain de popularité avec certains artistes qui l'ont utilisé, plus populaire, hein, qui l'ont utilisé dans leurs chansons. Mais c'est évidemment un instrument qu'on retrouvait déjà ailleurs. Toi, comment tu l'as découvert, le ukulélé, Mathieu? Alors moi, complètement par hasard, ça va faire maintenant peut-être 6 ans ou 7 ans. Je faisais du sport et puis je me suis mis après le sport au piano. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, t'as une voix sympa et... » Eh ben pourquoi tu n'essayerais pas le ukulélé? Je fais, je connaissais un peu la guitare, mais je connaissais pas bien le ukulélé. Je fais, j'ai essayé la guitare, c'était trop compliqué pour moi, j'arrivais à rien faire. Et il me dit, essaye le ukulélé, et promis, au bout d'un certain temps, peut-être une heure ou deux, tu arriveras peut-être à faire ta première chanson avec ta voix et tout ça. Je fais, bon, ça ne coûte rien d'essayer, et depuis, je suis accro, voilà. Accro, carrément. Tout à fait. écoute, sans plus tarder, je pense qu'on va t'entendre parce qu'on va écouter deux pièces ici à la Korrigan. Donc, je voudrais présenter juste la première pièce. Oui. En fait, ça va être un... moi, je joue plutôt avec Southern Ukes des morceaux d'ordre country, blues, folk, tout ce qui tourne au terme un peu américain. Donc, c'est vrai que c'est un peu rare pour un Français de chanter en américain. mais bon, nous, c'est un peu notre fond de truc. On aime bien ça. Et la première chanson m'a été suggérée justement par la femme d'André, Sylvie, et puis et aussi par une amie aussi en France, Lauriane, qui se reconnaîtra. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est des morceaux assez lents ce soir et je trouvais ça un peu gentil de passer ces morceaux-là. Alors je vais te laisser t'installer, Mathieu Dipendel, du projet Southern Ukes. Je vous rappelle, le spectacle aura lieu ce jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean. Si vous voulez y aller, contribution volontaire suggérée de $10 pour encourager ce groupe. Et puis la première partie aussi, les sœurs Cloutier, en fait c'est un double plateau je pense qu'on peut annoncer pour ce spectacle. Il y a un événement Facebook aussi si vous voulez suivre le tout. Alors voici l'ambiance du ukulélé à la Korrigan, Mathieu Dipendel. What a difference a day made, 24 little hours, brought the sun and the flower where they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Sky above can be stormy. See the moment of bliss, a sweet kiss, it's heaven. And when you find romance on the menu, what a difference a day made. And the difference is you. Can be stormy. See the moment of bliss, the sweet kiss, it's heaven. When you find romance on the menu, what a difference a day made. And a difference is you. Maintenant, on va enchaîner avec un petit blues, peut-être. St. James Infirmary and saw my baby there. She was stretched out on a cold water table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can lose this white word of her, but she never find another sweet man like me. When I die, bury me in stainless shoe. I want a post back coat and a satin hat. Put a $20 gold piece on my white chain, so the boys we know that I die standing pat. Down to St. James Infirmary and saw my baby down. She was stretched out on a cold water table, so cold, so sweet. souffert. Mathieu Diependel, du projet Southern Youths à CKRL 89.1. Tu peux revenir avec moi, Mathieu. On va conclure là-dessus. Je rappelle que tu seras en spectacle ce jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Un double plateau avec les sœurs Cloutier qui aura lieu donc ce jeudi. Mathieu, seul au ukulélé alors que vous êtes un duo d'habitude. Oui, bah oui, et là j'avais honte, j'ai oublié de parler à mon acolyte Guy Reyes qui est vraiment celui qui m'accompagne tout le temps avec Southern Youths et qui est un dieu du ukulélé par sa virtuosité et on adore s'accompagner avec différentes ambiances et différentes énergies. Donc, tu es venu sans lui au Québec là ? Eh oui, mais lui il est professeur d'espagnol, il pouvait pas se déplacer comme ça. Mais donc, il n'a pas de vacances à ce moment-là de l'année en France. C'est ça, tout à fait. Est-ce que c'est un premier séjour au Québec pour toi ? C'est mon premier séjour au Québec et je vais vous le dire, c'est vrai que j'adore ici. Quoi. Je me sens trop bien. Quoi. Et est-ce que c'est grâce au Ukulélé Club de Québec que tu as eu envie d'en savoir plus de... Parce que comme tu nous parlais de cette collaboration à la radio avec André Pelletier qui est le fondateur du club, est-ce que tu as eu la curiosité de dire tiens, je vais aller voir ce qui se passe au Québec? Tout à fait, et puis il était venu aussi en France nous voir, donc on a pu partager aussi une scène et puis ben, après les caractères se sont bien accrochés. Il m'a proposé une invitation et j'ai répondu bah oui carrément, moi quand on m'invite avec autant de gentillesse je viens et c'est vraiment un plaisir de les voir à deux sur Québec et puis après il y a d'autres animations qui vont se faire avec le Ukulele Club de Québec donc si vous voulez nous retrouver on sera aussi le 26 je crois qu'au pub Galway avec le Ukulele Club de Québec. Plusieurs prestations prévues donc. Pas d'enregistrement pour le moment de tes chansons, est-ce que c'est prévu ? Pour l'instant, non, pas encore. C'est-à-dire qu'on travaille encore et c'est vrai qu'on a décidé que cette année, ça allait être l'année où on allait essayer peut-être de faire un peu de studio pour enregistrer du son. Quoi. Ah oui, parce que les gens qui viennent vous voir en spectacle, je pense qu'à un moment donné, ils veulent repartir avec un souvenir. Tout à fait, tout à fait. Mais les meilleurs souvenirs sont dans la tête aussi. Quoi. Bien sûr. Mathieu Diependel, merci beaucoup. Ben, merci à vous de nous avoir reçus et puis c'est cool. Ben, le jeudi 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste, un rendez-vous dès 19h. Et si on veut te suivre sur Facebook avec le duo Southern Youths, c'est la page du même nom. Voilà, tout à fait, sur Facebook et sur aussi YouTube, pour ceux qui peuvent aller sur YouTube. On a aussi une chaîne dédiée où on fait des sons soit dans mon garage des fois ou alors en live. Bord d'une piscine aussi, j'ai vu. Au bord d'une piscine, ça c'était une prestation privée dans le sud où un groupe ami nous avait invités et on avait répondu présent et on avait vraiment passé un bon moment aussi. Il y a pire comme cadre. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu Diependel. Merci à vous. L'émission se termine, sortie culturelle à la Korigane. Cher public, restez bien assis parce qu'on a plein de cadeaux pour vous. Voyez la pile devant moi, c'est tout ce que j'ai à faire tirer pendant cette émission. Tous les artistes invités qui sont venus avec de très beaux cadeaux. Et je remercie toute l'équipe avec moi qui travaille sur cette émission. Simon Roy à la technique, Marianne Bruno à la régie, Mikey G à la mise en onde, le public de s'être déplacé et la Korigane qui nous accueille chaque mardi. On a donc rendez-vous mardi prochain, 17h30, 19h30 pour une nouvelle émission. C'était Jessica Leb avec vous. Et je vous rappelle que la programmation de CKRL se poursuit le mardi soir avec Gilles Chomel. Voici Folk d'Amérique dans les prochaines minutes. Bonne soirée à tous. Cultural. Sortie culturelle à la Korigane vous a été présentée en direct du 380 rue Dorchester. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. CKRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Cultive tes goûts. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a tree top, down again. Putting my bag down, taking my shoes. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Table de quartier L'Engrenage Saint-Roch, La Rotonde, les éditions Intervention, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, Production Bonne Maison.